Sorte que selon le terrain et le vent, parfois les idées bas de jambes trop souvent interceptées. Si nous aimions ce jeu de dupe, parfois aussi le dard d'un insecte jaloux, inquiété le col des belles sous des branches, y c'était des éclairs soudains d'un duc blanc, y serait qu'accomplé nos jeux de dupe. Les belles